Les infos juridiques du CIDFF, Centre d'information des femmes et des familles de Nancy. Aujourd'hui, l'aide universelle d'urgence pour les personnes victimes de violences conjugales. Depuis le 1er décembre 2023, les personnes victimes de violences conjugales peuvent bénéficier de l'aide universelle d'urgence. Créée par la loi du 28 février 2023, cette aide est un soutien financier pour aider les victimes à se protéger en se mettant à l'abri et ainsi faire face aux dépenses dites immédiates. Ce soutien financier est un appui temporaire en attendant de trouver des solutions plus durables. Alors, cette aide universelle d'urgence est donc un soutien financier qui peut prendre la forme soit d'une aide non remboursable ou bien encore d'un prêt sans intérêt selon votre situation. Le montant de l'aide, bien entendu, dépend du niveau des ressources de la victime et du nombre d'enfants que cette personne a à charge. Alors, qui peut bénéficier de cette aide universelle? Toute personne victime de violences conjugales, bien entendu, peut bénéficier de l'aide universelle d'urgence, donc quelles que soient ses ressources, mais sous réserve d'être résident en France et en situation régulière sur le territoire français, quel que soit le titre de séjour en sa possession, sont exclus le visa de tourisme. Cette aide est donc destinée aux victimes de toute forme de violence, physique ou psychologique, commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire de pacte. Il peut également s'agir d'une relation passée et il n'est pas nécessaire que la victime vive ou ait vécu avec l'auteur des faits. Donc, quelles que soient les ressources, peuvent en bénéficier les personnes en cours de séparation ou non, les femmes avec ou sans enfants et les hommes avec ou sans enfants. Pour en faire la demande, il est possible de le faire directement auprès de la Caisse d'allocation familiale, la CAF, ou de la Caisse de la Mutualité sociale agricole, la MSA, selon votre situation. La demande peut se faire en ligne sur le site caf.fr ou msa.fr via une demande en ligne avec un formulaire téléchargeable. Elle peut également être faite sur place ou alors encore par voie postale en remplissant le même formulaire. Pour justifier de sa situation, les documents sont à produire. En effet, il faut se munir de l'un de ces documents, soit une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales, ou bien encore un dépôt de plainte, ou enfin un signalement adressé au procureur de la République. Une condition importante est que ces documents doivent dater de moins de 12 mois au moment de la demande. Il faut savoir également que le dépôt d'une main courante seule ne permet pas de bénéficier de cette aide universelle d'urgence. À savoir que cette aide d'urgence peut également être effectuée, demandée, au moment du dépôt de la plainte ou du signalement adressé au procureur de la République, si vous le souhaitez. Dans ce cas, un formulaire simplifié de demande est alors transmis à la CAF ou à la MSA. Concernant le montant de cette aide, en effet, le montant de l'aide universelle d'urgence est au minimum de 240 euros et bien entendu varie en fonction des ressources et du nombre d'enfants de moins de 21 ans à la charge du demandeur. Pour exemple, une personne avec 3 enfants à charge de moins de 21 ans et dont les ressources sont inférieures ou égales à la moitié du SMIC net, soit environ 690 euros par mois, touchera une aide de 1337 euros. Pour connaître le montant de l'aide universelle en fonction du niveau de vos ressources, vous pouvez bien entendu contacter la CAF ou la MSA, ou bien encore consulter le site servicepublic.fr qui propose une simulation du montant de l'aide. Concernant le versement de cette aide universelle est versée en une seule fois par la CAF ou la MSA. Elle est versée dans un délai de 3 à 5 jours ouvrés à compter de la réception de la demande complète. Elle est versée soit sous la forme d'une aide non remboursable, comme je l'ai dit, ou soit d'un prêt sans intérêt, selon les ressources et le nombre d'enfants de moins de 21 ans à la charge du demandeur le mois précédant la demande. Dans le cas d'un prêt, il faut savoir que l'auteur des violences peut être condamné à rembourser le prêt à la place de la victime. Enfin, il faut savoir qu'une victime ne peut bénéficier de cette aide d'urgence qu'une fois tous les 12 mois à compter de la date de la décision d'attribution par la CAF ou la MSA. C'était les infos juridiques du CIDFF, une chronique proposée par le Centre d'information des femmes et des familles de Nancy, 1 rue du Manège. Pour toute question, téléphonez au 03 83 35 35 87.